Récit numéro 16. Le bonheur était sur le quai. Nous étions venus à Toulouse, avec quelques anciens mécaniciens SNCF, participer à une assemblée générale de l'Association des conducteurs de train à grande vitesse, ce fabuleux train du XXIe siècle, sur lequel nous avions terminé en fanfare nos carrières de roulants. Mais c'était aussi, pour retrouver un tant soit peu, le temps d'avant, le temps de nos 20 ans envolés, car on nous avait promis un voyage sur un train tiré par une machine à vapeur, la 141R-1126 de Narbonne, sur laquelle certains d'entre nous avaient débuté. Le petit déjeuner hâtivement avalé, nous attendions ce matin-là, sur un quai de Matabiau, un train à vapeur qui devait nous emmener à Castelnaudary pour y déguster un cassoulet qu'on nous avait promis exceptionnel. Quand, au loin, nous avons entendu le souffle saccadé de la Mikado, nous avons réalisé immédiatement que ces jours du temps passé n'avait finalement jamais déserté nos esprits, pourtant bien occupés par la polyvalence généralisée de la conduite et des trains modernes.